dans ce qui est mis, dans ce qui est, dans des choses qui sont déclassifiées, il y a de la propagande. Tant qu'à moi, là, c'est pour ça, moi, l'affaire, qui a caviardé certaines affaires sur les ovnis, peut-être que c'est parce que ça donne une certaine crédibilité à ce qui, à des rumeurs qui ont été répandues exprès. Parce que là aussi, ou bien peut-être aussi que ça décrédibiliserait certaines choses. Ça dépend tout le temps, là. Mais il y a encore beaucoup de choses de classées par rapport à ça. Puis je soupçonne le trois quarts des phénomènes ovnis d'être liés à des gouvernements. Ben, plus que. Puis là, en caviardant, ça a l'air d'être pour cacher des choses sur un phénomène extraterrestre, des fois, qui en est peut-être pas tout le temps un. Donc, la principale peur, par exemple, quand il y a quelque chose sur les ovnis sur notre territoire, la première chose qu'ils vont penser, c'est pas que c'est des extraterrestres nécessairement. D'après moi, ils vont tout le temps envisager que possiblement il s'agit de d'appareils furtifs de d'autres nations. Je suis persuadé que quand ils veulent pas que quelque chose soit. Il y a des choses là, que ça fait 70 ans, puis ils n'en parlent pas. C'est des secrets de polichinelle, puis c'est moins grave que ça, puis c'est pas déclassifié. Tu sais, je parle juste quand J. Edgar Hoover il est mort, puis qu'ils ont vidé sa maison, il y a des photos là-dedans qui n'ont jamais été rendues publiques. Pourtant, c'est bien moins grave, là. Tu sais, Marilyn Monroe tout nu, on s'en fout, là. C'est pas déclassifié. Il y a des affaires là-dedans qui sont pas déclassifiées, c'est bien moins grave que les histoires d'OVNI. C'est ça, mais ils font leur propre gestion des priorités. Ben oui, mais c'est là que je me pose la question, pourquoi c'est plus une priorité certaines affaires qui datent des années 40-50, des histoires de mœurs, que les ovnis? Ça se pourrait-tu qu'il y ait une partie des rumeurs puis de la fascination dans le public pour ces phénomènes-là qui soient voulus par le gouvernement? Puis que il y a des choses qui sont déclassifiées, qui sont pas crédibles dans le fond, mais qui ont été faites dans le but d'un jour être déclassifié parce que ça allait être rendu à telle phase d'un scénario là, Oh oui, ben le proposé au dévoilement peut être public. contrôlé, puis l'attention publique peut être orientée vers l'information en lien avec les ovnis, puis pendant ce temps-là, ben il y a d'autres choses plus graves qu'on parle pas. Ben, c'est ça, là. Parce qu'il semblerait que c'est un peu juste. Moi, ça me dépasse là, l'affaire qu'il y a certaines choses là, par rapport à la vaccination qui ont mis ça sous scellé pour 75 ans. Là. Moi, ça me dépasse. Vraiment, là, ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Je me demande si ça se fait et ça finit par se faire déclassifier rapidement, c'est parce que c'est de la bullshit ou que c'est pas important. C'est pour ça que à chaque fois qu'ils annoncent, là, ils font une annonce, là, il va avoir là, un projet de rendre public plein de choses par rapport aux ovnis, là, puis là, ils viennent tout énerver, là, toute la gang là, du ufologique, là. Mais je me dis tout le temps, ils ne sortent rien d'intéressant. C'est clair, c'est encore là, finalement, là, tu as des congrès, là, puis tu as des anciens militaires, là, puis finalement, il n'y a rien de nouveau. Ils sortent rien de fracassant, il n'y a rien de. On est au même point qu'en 1990.